Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Elle était fille unique, la fille d'instituteurs qui, eux-mêmes, avaient été des enfants pauvres du Limousin. Fille unique, Madeleine Riffaut, femme unique, assurément, en tout cas exemplaire. En 1993, une série d'été avait donné sur France Culture la parole à cette journaliste, correspondante de guerre, qui avait été résistante tout le long de sa vie. Fille unique, jeune femme qui part les armes dans la douleur, qui, petite fille, passait ses vacances à Oradour-sur-Glane, et cela ne fut pas étranger à son acte de juillet 1944, pont de Solferino, à Paris. On leur avait dit, c'était un manuel pour résistants, si vous êtes arrêté, dès le début, dites « je ne sais rien », niez l'évidence, jusqu'à ce que l'on vous coupe la tête. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve, par Ludovic Cellier, réalisation Marie-Christine Clouzet, premier volet, L'enfance en résistance, première diffusion sur France Culture, le 2 août 1993. J'ai un certain devoir à remplir, que j'essaye de remplir pour le mieux. Qu'est-ce que c'est la définition du témoin ? Le témoin, c'est celui qui a vu quelque chose, et c'est celui qui dit ce qu'il a vu. L'un ne va pas sans l'autre. Et aussi, j'ai cette lourde tâche, ce lourd poids d'avoir été survivante. Et puisque moi, je n'avais pas été fusillée, et que les autres avaient été fusillés, il me fallait sans cesse, sous peine de suicide, justifier ma vie devant moi-même. Plus que devant les autres. Moi, je me suis toujours regardée de travers parce que je n'avais pas été fusillée. Bon, ça, je m'en guérirai jamais. Bon, mais pour moi, un seul métier était indiqué. C'était le grand reportage, et le grand reportage de guerre auprès des plus souffrants. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. France Culture vous convie pendant 10 fois 1 heure à un étrange reportage, puisqu'il s'agit d'un reportage dans une mémoire, celle de Madeleine Riffaut. Née en 1924, Madeleine Riffaut s'engage, à 17 ans, dans la résistance à l'occupant nazi. Très vite, elle intègre les francs-tireurs et partisans et combat, dans Paris, les armes à la main. Depuis cette première résistance, Madeleine Riffaut n'a cessé de lutter, de dénoncer l'injustice, en un mot, de résister. Journaliste, écrivain et poète, Madeleine Riffaut couvre pendant 30 années, pour le compte du quotidien L'Humanité, les conflits internationaux de la faim, de la nuit coloniale. de l'Indochine à l'Algérie, de l'Iran au Maroc, de l'Angola au Vietnam. Elle remplace la mitraillette par la caméra, la grenade par l'encre. En 1973, il y a donc tout juste 20 ans, elle raccroche et en apparence se retire du monde. Repliée dans son appartement du Marais à Paris, elle se consacre à l'accompagnement aux mourants, traduit des poètes vietnamiens et résiste, exemplaire, à la maladie qui tente de lui ôter la vue avant la vie. Ces 10 heures que nous vous proposons d'écouter sont le résultat d'un long travail commencé au printemps de 1992 et qui en quelque sorte s'achève aujourd'hui. Nous avons rassemblé des documents, retrouvé ses ouvrages, collecté des images sonores inédites prises par Madeleine Riffaut au cours de ses reportages. Puis, elle a choisi de venir enregistrer dans un studio de la Maison de la Radio, à chaque fois la nuit, toujours vêtue d'un long pullover de grosse laine, portant bracelet d'argent au bras et lunettes noires, nattes brunes et blanches, épaisses, posées sur l'épaule. Madeleine Riffaut est sortie du silence. J'avais 18 ans en 42. Alors, tant d'années nous séparent. Maintenant, dites-moi, si vous voulez savoir. Eh bien, moi, je voudrais savoir qui vous étiez quand vous étiez une petite fille. Vos parents étaient instituteurs. Oui, alors, quand j'étais petite fille, eh bien, d'abord, j'étais fille unique, ce qui n'est pas sans poser de problème. Mais mes parents étaient tous les deux originaires du Limousin. Tous deux pauvres enfants de familles pauvres. Qui, à cause du fait qu'ils étaient bons élèves, enfin reçu des bourses, et ils avaient fini par devenir instituteurs, ce qui pour eux était une promotion sociale extraordinaire. Alors pour pouvoir être ensemble, ils avaient demandé un poste double, évidemment, et comme il n'y en avait pas en Limousin, on les a envoyés dans le pire endroit dont personne ne voulait, qui était la plaine du Santerre, qui se tient là-bas Amiens, enfin dans ces parties, la Picardie, la Somme, qui ravagée par la guerre de 14, ne pouvait offrir aux instits que des vagues baraquements de planches dans lesquelles je suis née. D'autres sont nés dans des étables. Enfin, moi, je suis née là-dedans. Et puis après, on a eu une belle école, toute neuve, etc. La guerre a joué dès ce moment-là. Une grande importance dans ma vie. Mon père avait été volontaire pour faire la guerre de 14 quand il avait 18 ans. Et il avait été blessé plusieurs fois. Bon, il avait fait une guerre très héroïque, mais dont il... je sais pas qu'il s'en repentait, mais enfin, il disait volontiers quelle connerie la guerre, quoi. Hein. Il avait été volontaire à 18 ans, mais... Après, quand il en parlait comme d'une chose atroce, d'une boucherie qu'on aurait pu éviter. Et il était pacifiste intégral, comme on disait à l'époque. Et alors, dans la région où nous vivions, qui était cette plaine rase, plantée de betteraves, de blé, avec juste quelques bouquets d'arbres, il y avait des espèces de souterrains, des vestiges, des tranchées, car on s'était énormément battu là-bas. Et... il y avait des grands cimetières militaires. Et le premier souvenir que j'ai de la guerre, j'avais, je sais pas, 6 ou 7 ans, et deux copains à moi, parce que j'allais à l'école avec maman, se sont fait péter la gueule en jouant avec un obus qu'ils avaient trouvé dans les champs et qu'ils voulaient désamorcer pour vendre le cuivre. Bon, parce que la terre rend pendant longtemps les engins de mort qu'elle a reçus, voilà. Et ça a été le premier contact pour moi avec la guerre. Si bien que j'avais horreur de la guerre. Trois calvaires dans l'avoine verte. Les gens ont ri. Je ne crois pas que ce soit drôle. Une petite fille traversait la plaine, tenant sa mère par la main. Au sortir du village, il y a un calvaire. À 100 mètres plus loin, une autre croix, sans arbre autour. On les a coupées pour faire du feu. C'est la guerre. À l'entrée du hameau voisin, une croix entre deux tilleuls. Les corps écartelés, offerts au vent du nord, sont là depuis toujours. Sans que pensent à saluer les gros fermiers quand le dimanche, ils passent devant eux pour se rendre à l'église. oublié dans l'océan d'avoine verte, cloué sur le printemps de la plaine. Au troisième calvaire, la fillette s'est assise sur le talus. Elle sanglotait. Elle ne voulait pas dire pourquoi. Elle a refusé de marcher. Sa mère l'a giflée. « Les gens sont méchants !» a crié la petite fille. « Depuis qu'il est là-haut, pendu, personne n'est venu le délivrer. Moi, quand je serai grande, j'apporterai une échelle. Et je le déclouerai, partout, dans toute la plaine. Moi, quand je serai grande. » Les gens ont ri. Je ne crois pas que ce soit drôle. Sur un cahier d'écolier, 1939. Et puis vous avez 12 ans, et à 12 ans, vous écrivez vos premiers poèmes. À 12 ans, j'écrivais, j'étais très poète. Et puis le plus grand poète que j'ai connu, c'était mon grand-père. Alors mon grand-père, qui était le papa de mon papa, c'était un barde. Il avait été ouvrier agricole, du côté de Radour-sur-Glane. Et il inventait des chansons. Et il les chantait avec sa belle voix, des belles chansons. Et moi, j'ai découvert la lecture. Alors, j'ai découvert qu'en plus, on pouvait lire les poèmes. Et puis, j'ai découvert la musique et j'ai découvert la chanson, les chansons populaires. Et puis ensuite, on va jusqu'en 1942. Et là, c'est un moment important de votre vie. C'est celui peut-être qu'on connaît le mieux, celui dont vous avez peut-être le plus parlé. D'abord, il y a eu mai 39. Et cette émission est enregistrée au mois de mai. Et nous avons tous nos cicatrices ou nos stigmates, comme on voudra. Et je me demandais pourquoi j'avais mal, pourquoi je souffre au mois de mai. Mais c'est parce que le 8 mai, les nazis, les troupes nazies, sont entrées en Belgique et ont bombardé le nord de la France, où je me trouvais. Et je suis partie en exode sur les routes avec mon père. Pas mon père, parce que mon père, qui était tellement rigoriste, avec plein de, qui obéissait toujours à l'administration, l'éducation nationale lui avait dit de se replier sur Caen avec ma mère. C'est complètement ridicule, mais enfin, c'est comme ça. Il devait se replier sur Caen. Ça fait partie de la drôle de guerre. Alors lui, il s'est replié sur Caen, et puis il m'a envoyé avec des voisins, et puis mon grand-père et ma grand-mère, vers au Radour-sur-Glane, où nous avions des parents, et où ils pensaient que je serais plus en sécurité. Et alors, là, il y a eu une petit litige, quoi. C'est que mon grand-père a dit, mais on ne fuit pas devant l'ennemi. Moi, je veux rester là. Je ne veux pas m'en aller. Et moi, qui étais bien petite, je trouvais qu'il avait tout à fait raison. J'ai dit, non, on ne s'en va pas. Mais qui écoutait ma voix? Alors, je me suis retrouvée par ce beau mois de mai. Caragon a chanté, d'ailleurs, dans le Crève-Cœur, il dit, ce mois de mai, il était semblable au mois de mai que nous vivons en ce moment. Il disait, je n'oublierai jamais les lilas et les roses, ni tous ceux... Enfin, je sais plus. En tout cas, il y avait dans ce poème le démenti des fleurs au vent de la panique. Et pendant que cette foule de gens désarmés, portant des baluchons avec toutes sortes de véhicules de briques et de brocs, se sauvaient avec la cage de l'oiseau, le petit chien, les mômes, la machine à coudre, les Stukas, les avions de l'armée nazie, nous ont piqué. Et le long de la route, il y avait les lilas et les roses. Et moi, j'ai pensé, c'est pas possible. Ils vont pas tirer parce que nous, on est des pauvres gens, on n'est pas armés. Pourquoi ils iraient tirer? Mais ils ont tiré. Tac, tac, tac. Et je me suis retrouvée dans un fossé avec mon grand-père qui était couché sur moi. Et il y avait beaucoup de sang autour. Et nous n'avions rien. Et c'était encore une chose qui a marqué ma vie, ça. Une première fois survivante. Ouais. Enfin, non, c'était affreux. C'était que les fascistes, les nazis, étiraient sur cette foule qui n'était pas armée, qui était des civils, qui fuyaient, qui ne savaient pas où aller, qui étaient abandonnés. même par leur propre gouvernant, par tout le monde. C'était comme pendant la guerre d'Espagne, moi j'avais regardé des images, des photos traînant sur le bureau de mon père, d'un magazine qui s'appelait Regard, où, je ne sais plus, où on voyait des photos d'enfants tués par les bombes franquistes en 36 en Espagne. Et je trouvais ça terrible. Et puis après, juste avant, on était allé en vacances pour la première fois parce que c'était le Front Populaire. Et mon père avait dû avoir un peu plus de sous, je ne sais pas comment il avait fait, puis il s'était acheté une Peugeot. Alors avec la Peugeot, on était partis en congé payé. Puis on était allé visiter la famille paysanne du côté de Radour, de Radour-sur-Glane. Alors j'ai vu au Radour, et j'ai vu l'instituteur et l'institutrice. Et ce monsieur, cette dame, étaient les compagnons, les copains d'école normale de mes parents. Et ils nous avaient reçus, tenaient un goûter. Entre parenthèses, maintenant, il ne reste plus que la machine à coudre de cette dame dans les ruines de Radour. Elle a été brûlée avec ses élèves en juin 1944. Mais nous voilà déjà loin. Au Radour, ça fait déjà trois fois que vous prononcez le nom. Oui, bon, bah là, je suis arrivée là-bas et puis j'étais en sécurité. J'étais pas au Radour même, d'ailleurs, à cette époque. On s'est arrêté dans la Creuse. Et puis, au bout de quelques mois, enfin, quelques temps, la situation s'était pas rétablie. La France était occupée. Mais mon grand-père et ma grand-mère ont désiré rentrer parce que mon grand-père avait un cancer de la hanche et était très très mal. Il voulait revoir son fils avant de mourir. Si bien que nous avons pris un de ces trains surchargés qui allait de la zone Nono, la zone non occupée, à Amiens, enfin vers le nord, qui était déjà zone interdite, parce qu'il y avait la zone Nono, non occupée, la zone occupée et la zone interdite. Bon, alors... C'était moi le chef de famille, j'avais tout juste 16 ans, chose comme ça. Et puis, en arrivant à la gare d'Amiens, ça devait être en 41, quelque chose comme ça, c'était la nuit, mon grand-père était mourant, puis il n'y avait plus de ville, il n'y avait plus de gare, il n'y avait plus rien, parce que ça avait été bombardé. Alors, on descend le pauvre grand-père comme on peut. Et puis, il y avait plein de soldats allemands. J'avais très peur. C'était peut-être des braves types, j'en sais rien, moi. Mais ils avaient un uniforme étranger et ils parlaient très fort. Ils attendaient pour partir, je sais pas où, ils étaient là. Et moi, je voulais chercher un brancard pour porter mon grand-père. Je voulais chercher la Croix-Rouge. Et j'ai dû enjamber ces soudards, quoi. Et puis, c'était la première fois où j'ai pensé que je pourrais devenir résistante, parce que ils ont essayé de jouer avec moi, parce que j'avais une petite jupette, des cheveux sur les épaules, j'étais plutôt mignonne, et comme tous les soudards du monde, ils ont voulu jouer. Je dis pas qu'ils ont voulu faire plus, mais moi, j'ai eu peur. Alors, il y en a un qui, finalement, m'a eu assez de jouer et il m'a flanqué un grand coup de pied au derrière. Bon, mais le magistrat, le coup de pied au cul, qui m'a envoyé à un mètre de là. Et là, sous l'effet de la douleur, mais surtout de l'humiliation, j'ai pensé, moi, je vais les chercher, ceux qui résistent aux occupants. Les occupants devraient toujours penser à une bonne chose, c'est que on fabrique plus de résistants, de maquisards, par un bon coup de pied au cul, que par d'autres choses. Des petites choses comme ça, l'humiliation, ce n'est pas possible de l'admettre. En tout cas, moi, petite, je l'admettais pas. Voilà. Alors, de là vient ma décision. Honneur et patrie, voici le général de Gaulle. Présent que la France leur a été livrée, l'ennemi et ses complices font tout pour la maintenir à terre et de répandre à satiété le refrain d'une France décadente. J'ai un copain journaliste. Ah oui? Il travaille dans 5 ou 6 journaux de Paris. Bah, il doit avoir du boulot. Oh, pas trop, la commandanture lui envoie ses articles tout écrits. Monsieur Hitler a des journaux qui prêchent en France l'ordre nouveau. Monsieur Hitler a des journaux qui prêchent en France l'ordre nouveau. La presse aux ordres des nazis est une presse bien pourrie. Oh, c'est triste vraiment que certains Français soient allemands. Ne gaspillez pas le papier. Ne gaspillez pas votre argent, il ne faut jamais s'acheter. Radio Paris est allemand. Radio Paris est allemand. Radio Paris. Radio Paris est allemand. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui. Je me suis laissée mourir. Parce que moi, je ne pouvais pas entendre tous les jours la voix chevrotante du maréchal Duconno, là, comme disait Desnos, plus, Pétain, qui disait... Vous êtes vaincus, vous êtes un peuple de vaincus, vous payez ce que vous aviez gagné au Front Populaire, enfin, etc. Vous êtes en train de le payer, soyez courtois avec l'occupant, etc. Et puis moi, je savais déjà qu'il y avait des gens, des ouvriers, ça se savait forcément là où j'étais, qui se battaient, par exemple, encore un mois de mai 41. Tout le bassin minier du Pas-de-Calais était en grève. C'était les communistes qui étaient à l'origine de cette grève, c'est certain, et la CGT. Et j'ai su par la suite les détails, évidemment, j'ai pas su tout. Mais je savais qu'on en causait dans les chaumières, quand même, et qu'il y avait eu des blessés, des morts, des déportés, des guillotinés, des arrestations. Enfin, bon... je voyais pas... Pour moi, dans cette ambiance où il faisait très froid, où on n'avait rien à bouffer, il y avait les cheleux qui étaient là. Bon, je ne sais pas comment c'est fait, mais je suis tombée tubard. Une vieille tuberculose qui m'a suivie jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et puis, à cause de ça, on m'a envoyée en zone non occupée, en zone nono, où j'étais dans un sanatorium bien connu pour avoir été un vivier d'intellectuel résistant qui s'appelait sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet près de Grenoble, qui était dirigé par l'admirable docteur Daniel Douady, dont beaucoup de Français se souviennent. Ce sanatorium, moi j'y étais soignée comme une petite nénette qui arrivait de la zone occupée, mais il y avait aussi, je l'ai appris assez vite, des juifs qui s'y cachaient. Il y avait aussi des résistants déjà arrêtés et plus ou moins relâchés ou évadés qui s'y cachaient. J'ai trouvé ainsi la liaison avec la résistance. J'aurais pu la trouver autrement, j'ai trouvé comme ça. Je suis donc restée là où j'étais et j'ai guéri très vite, à une vitesse supersonique. Il n'y avait pas d'antibiotiques pourtant à l'époque. Et hop, j'ai guéri tellement vite qu'on m'a renvoyé à Paris. Alors, moi, j'ai dit à mes parents, je vais à Paris parce qu'il y a une post-cure universitaire formidable, alors je peux pas... Et puis, en réalité, j'ai fait ça, j'ai adhéré au Front National, dont on a volé le nom, enfin, Front National Universitaire, par le biais de mon premier amoureux, qui était Marcel Gagliardi, dont je salue la mémoire... Bon, il m'a fait adhérer, il a accepté, malgré ma jeunesse et mon inexpérience, de me parrainer pour que j'entre dans ce mouvement de résistance. Ou ensuite, c'est affreux comme truc. Marcel, donc, il était atteint d'une tuberculose miliaire, hein, miliaire comme le millier, une tuberculose qu'on ne pouvait absolument pas guérir à cette époque, et il le savait, étant étudiant en médecine. Et il m'avait dit, dès que j'aurai quelques forces, je vais retourner à Paris, parce que j'ai déjà été arrêtée, et puis j'ai liaison avec le Parti communiste. Donc nous sommes allés à Paris, il m'a fait trouver la liaison. Moi, je suis très vite devenue franc-tireur et partisan, quand on a eu besoin de lutte armée. Bon, parce que les groupes d'FTP se succédaient assez rapidement, étant donné que... on mourait pas mal quand même. Hein. Alors, lui, Marcel, un beau jour, il n'a pas pu courir et il a failli nous faire prendre. Alors, le lendemain, on m'a appelé et puis on m'a dit, c'est toi qui dois lui dire. Et j'ai fait l'opération suivante. Je l'ai vu et je lui ai dit, écoute, Marcel... je te demande, je te prie de ne plus chercher à nous joindre. Moi, je vais rentrer dans le brouillard, c'est-à-dire devenir illégal. Toi, tu vas rester à la Poste universitaire rue Quatre Fages. Et tu ne peux plus venir en opération avec nous parce que tu sais très bien que tu ne peux pas courir et que ton état de santé... peut faire prendre les camarades. Alors c'était moi, sa petite fiancée, qu'il avait fait entrer à l'école de sage-femme et qui devait l'épouser plus tard et qui était inexpérimenté et qui tout à coup devait lui donner un ordre comme ça, quoi, en lui disant « tu ne me verras plus ». Et moi, je vais passer aux FTP. Et je te demande, le parti te demande de rester dans ton lit. Ce qu'il a fait. Et il est mort. À une question qu'on vous posait souvent sur votre engagement au Parti communiste, vous avez répondu « J'y suis venu par désespoir, parmi ceux qui y sont venus par le désespoir, et j'y suis resté par espoir. » Vous avez lu mes poèmes, vous ? Non, j'ai dit « J'avoue, je suis venu par désespoir. Oui, » Et j'y suis resté par espoir. Non, enfin, j'ai jamais dit « Je suis resté par... » Enfin, je ne sais rien ce que j'ai dit, peu importe. De toute façon, j'avais pas le choix. J'ai trouvé cette ouverture, j'y suis allé, quoi. Une petite souris, j'ai trouvé une ouverture pour passer, hop, je suis passé. Pour moi, c'était... Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être les chrétiens, si j'étais tombé sur les chrétiens, ou si j'étais tombé sur les gaullistes, je serais allé avec eux. C'était pour moi, je cherchais un organisme, un outil, une structure qui était en train de se battre pour libérer la France, mon pays, de l'occupation nazie. Point, c'est tout. Quel était votre rôle dans la résistance ? Bah alors voilà, au début, j'étais agent de liaison. On peut dire que les femmes et les jeunes filles ont passé leur temps à raccommoder le filet brisé de la résistance. Parce que quand quelqu'un était arrêté, c'est comme si une maille de filet était brisée, quoi. Et nous raccommodions en allant trouver un tel, nous refaisions la liaison, etc. C'était assez dangereux, évidemment, parce que... Une petite main de la résistance. Oui, un peu, et... Beaucoup de ces femmes ont été tuées et torturées, beaucoup, et déportées aussi. Moi, je me souviens toujours, par exemple, mon chef me disait, tu vas aller voir X ou Y, bon, tel endroit, sorti d'une usine, bon, et tu vas lui dire, de la part de telle personne, tel nom d'emprunt, Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Ce soir, tu t'en vas où tu sais. Tu rentres dans la clandestinité. On disait d'ailleurs plus volontiers rentrer dans le brouillard. Ça voulait dire que j'allais dire à ce père de famille, ce soir, tu ne reverras pas ta femme et tes enfants. Tu vas aller dans le lieu qu'on t'a fixé déjà depuis longtemps pour le jour qui est venu aujourd'hui, où un tel a été arrêté et où il y a un risque pour ta sécurité et celle de l'organisation. Et je me souviens toujours des visages que j'ai vus à ce moment-là, du passage qu'il y a, qui est bref, mais qui est très dur. Le type se dit, bon, ça m'est arrivé. Je ne vais pas rentrer à la maison ce soir. Et je lui disais, t'en fais pas, ta femme va être prévenue, enfin bon, etc. Nous y étions tous prêts à cela. Ce que je vous raconte que j'ai fait, c'était un petit aspect, toute petite paillette de ce qu'a fait le peuple parisien pendant la guerre. Alors, on a participé à des sabotages matériels ennemis, on a participé à... Tiens, moi, je me rappelle, on a fauché les fiches du STO des étudiants en médecine qui permettaient de les identifier. Bon, on est allé les voler. Bon... Puis alors, quelquefois, on s'engueule un peu avec les copains qui sont survivants, comme par exemple mon ami Claude Souef, qui était un assistant de metteur en scène. De temps en temps, je revois et puis je lui dis, tu te rappelles quand je t'ai porté la blouse blanche, quand t'es allé avec délivrer les filles qui étaient à la salle Cusco, à côté de l'hôtel de ville. Alors, il me dit toujours, mais c'est pas toi qui m'as porté la blouse blanche, c'est pas toi qui m'as porté. Alors, mais j'ai tout de même, moi, je te trouvais vachement beau à l'époque. Et puis je savais que ton frère avait été fusillé, alors j'avais pour toi un culte, quoi. Et puis maintenant, tu me dis que toi, tu m'as pas vu, tu vois. Alors, de temps en temps, on s'engage. Alors, il y a un autre copain, Janson, qui dit « Si, c'est Renner qui a raison, parce que je m'appelais Renner. Voilà, Renner, elle a raison, c'était elle qui t'a porté la blouse. Et puis le revolver qu'elle avait, il s'appelait Oscar, parce que Oscar touche. » Oui, on est prié de rire. Enfin, vous savez, on fait de la même comme on peut, de l'humour comme on peut. Et alors, nous faisions d'ailleurs beaucoup d'humour, nous faisions beaucoup de poèmes, et nous faisions beaucoup de récupération d'armes, parce que il nous fallait aussi aller sur les marchés, et il nous fallait aller là où étaient les gens, c'est-à-dire où les femmes faisaient la queue pour du beurre ou rien du tout, et les entraîner dans nos comités d'aide, etc. Il nous fallait voler des tickets d'alimentation dans les mairies pour les donner à nos clandestins. Une fois, j'ai été amenée à porter à des saboteurs une clé de tire-fonds. Je ne sais même pas si les auditeurs de France Culture savent ce que c'est qu'une clé de tire-fonds. Enfin, je peux vous dire que c'est comme une clé à boîte à sardines, si vous avez déjà vu une clé de boîte à sardines, qui aurait 1,50 m de haut. Quand j'ai vu ça, comme on n'avait déjà pas le droit de prendre le métro parce qu'il y avait des rafles, des cheleux, il fallait y aller à vélo ou à pied. Et puis j'étais à pied ce jour-là. Et puis c'était un peu voyant, quoi. On a enveloppé ça dans du papier journal. Je me demandais, si je tombe sur une patrouille, s'ils me demandent ce que c'est, je ne saurais pas ce que c'est. Mais enfin, eux, ils sauront, hélas. Enfin, ça s'est bien passé, quoi. C'était lourd, hein, d'ailleurs. Bon, ça, c'était... Pourquoi Renner? Pourquoi on vous appelle Renner? Parce que, on m'appelait Renner parce que quand j'ai adhéré au front, là, on m'a demandé si je voulais me donner à moi-même un pseudonyme, quoi. Et puis, comme j'écrivais beaucoup de poèmes, et puis j'étais très amoureuse des poèmes de Renner Maria Rilke, et notamment des élégies à Duino, j'ai dit « je vais m'appeler Renner ». Et il y a un copain qui a dit c'est un nom allemand. Et puis il y a un ouvrier français qui a dit, un communiste d'ailleurs, qui a dit mais nous sommes pas en guerre contre le peuple allemand. Alors je suis restée Rainer. Je suis appelée Rainer toujours, jusqu'au bout. Voilà. De la résistance, vous avez gardé une phrase et on vous a souvent présenté plus tard, après la guerre, on disait toujours de vous, tu sais, c'est la petite fille qui a abattu un officier allemand. Ah, les autres, ça m'a suivi, ça. Alors, oui. Ben oui, c'est vrai. Dans cette période de 44, je voudrais que vous ayez bien dans l'esprit que les armées alliées avaient débarqué déjà en juin 44. Et que la bataille finale, en somme, pour la libération, avait commencé et qu'elle s'avérait forcément beaucoup plus facile. Il était beaucoup plus facile d'enrôler un jeune en juillet pour venir avec nous qu'un an auparavant et encore moins deux ans avant. Donc, en principe, nous étions une structure d'accueil. Les FTP de Paris, puisque je parle de ce que je connais, hein, bon, était une structure d'accueil et il nous fallait récupérer des armes. Par exemple, pour 32 personnes, à un moment, on avait 4 bétoirs, hein, 4 armes, dont Oscar, personnellement nommé. Bon, alors, comme dans toutes les guérillas du monde, avec une arme, vous en avez une autre, vous en prenez une autre, avec cette autre arme, vous prenez un canon. Enfin, bon, une arme est la fille d'une autre. Hein. Les récupérations d'armes étaient une de nos occupations, sinon favorites, en tout cas fréquentes. Alors c'était devenu très difficile parce que les Allemands, je ne veux pas dire que c'était facile pour Fabien d'avoir abattu son cheleu en 41 au métro Barbès, mais pour en abattre un en 44, c'était coton, hein, j'aime autant vous dire, parce qu'il sortait jamais seul. Ben, j'y comprends. Et il sortait en groupe. Bon. Alors, d'un côté, mon histoire, cette histoire était dans le courant montant de la colère du peuple français contre l'occupant et sa décision de s'en libérer. Et pour accompagner ce mouvement et pour l'intensifier, nous avions reçu des ordres nous demandant d'intensifier la guérilla, etc. Bon. Alors, il nous fallait plus d'armes, il nous fallait abattre aussi des membres de l'armée d'occupation en plein jour, et voilà. Et alors, bon, je vous fais grâce de ce qui s'est passé avant, où un de mes amis a été tué parce qu'il avait laissé la vie à un Allemand qu'il avait eu au bout de son fusil au moment d'une récupération d'armes. Et mais c'est pour ça, pourtant, de ce fait, vous... ben, c'est pas seulement pour ça, il fallait absolument mettre en pratique ce mot d'ordre à chacun son boche qu'on avait eu. Bon. Et j'ai pensé qu'il était bon que je donne l'exemple parce que je voyais que c'était difficile, quoi, que plusieurs fois on était partis, on n'avait pas pu parce qu'ils étaient trop nombreux, on n'avait pas pu. Alors j'étais aussi poussée, je dois le dire, par quelque chose de très fort, de très douloureux et de très enfantin à la fois, enfin enfantin, qui avait trait à ma petite enfance. J'avais reçu un numéro clandestin des lettres françaises dans lequel il était décrit le massacre qu'avait perpétré la division Das Reich en passant par Oradour-sur-Glane. Et Oradour-sur-Glane qui était pour moi la beauté même, la joie de vivre, la lumière dans les feuilles, les écrevisses dans la rivière, l'école où j'avais été si bien reçue. Quand j'ai appris, au scandale et au sacrilège, que des nazis avaient mis les hommes d'un côté pour les brûler dans les granges et les fusiller, et de l'autre côté avaient pris les enfants des écoles, les avaient fait mettre en rang derrière leurs instituteurs laïcs, comme mes parents, et les avaient conduits dans l'église. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui a fait sa première communion, hein. On ne plaisante pas avec ce genre de truc, hein. Ils avaient conduit dans l'église, avaient mis le feu à l'église et avaient tué tout le monde. Et qu'un seul s'en était échappé. Ça m'a fait un terrible choc. Donc, me suis proposé pour faire cette action. Et j'ai abattu un soldat de l'occupation, enfin... Un homme en uniforme nazi sur le pont de Solferino, le 23 juillet 1944, à 3 heures de l'après-midi. Ne pensez pas que c'était quelque chose de drôle. Ne pensez pas que c'était quelque chose de haineux. Simplement, comme aurait dit Paul Éluard, j'avais pris les armes de la douleur. Voilà. Mais j'avais très mal à l'intérieur de moi. Et j'avais très peur aussi. Et je me suis approchée et je lui ai tiré dessus presque à bout portant. Il est tombé comme un sac de blé. Comme ça, il est tombé. Il n'a pas crié. Je l'avais bien tué dans la tête, de telle manière qu'il ne souffre pas. Et puis, je suis remontée sur ma bicyclette. J'ai fait signe au gars qui était avec moi de partir. Et un grand silence s'est fait dans ma tête, comme dans Paris, à ce moment-là. Et je revois un gamin qui est venu s'approcher. Je lui dis, va-t'en, mon petit garçon. Et puis, j'ai roulé. Il y avait beaucoup de gens qui ont vu mon acte. Je suis passée devant un policier français en uniforme que j'ai regardé. Il m'a regardé aussi et m'a fait signe de la tête. Il ne m'avait pas vue. Donc, je me croyais sauvée. J'étais pas la première à faire des trucs comme ça et à m'en sortir. Et puis, en roulant vers la gare d'Orsay, là, qui est... comment ça s'appelle ? J'ai entendu une voiture à essence derrière moi. Alors, une voiture à essence, c'est pas banal. C'est la voiture de la mort. Parce que l'essence, il n'y en avait pas pour les gens. L'essence, c'était la Gestapo française ou la milice. C'est-à-dire la Gestapo... Oui, la Gestapo française ou la Gestapo allemande. C'était les Allemands. C'était la mort. Alors, en effet, un véhicule m'a écrasé. Je suis tombée très violemment. Mon revolver a roulé à côté de moi. Je suis tombée les bras en croix. Et tout abruti que j'étais, j'ai attrapé mon arme. Je l'ai tournée vers ma tempe pour me tuer tout de suite. Mais déjà, j'étais ceinturée par un homme qui, à ma stupeur, parlait français. Il m'a dit, espèce de terroriste, salope, lâche, tu vas le payer. Parce que moi, je te dis, hein, je vais le payer, oui, lui, il a touché 10 000 balles. Et c'était le chef de la milice de Versailles. Comme je pense qu'il est mort maintenant, perd son âme. Hein. Mais il avait déjà donné tout un maquis, paraît-il, parce que j'ai su après libération. Alors, il était là à se balader avec sa voiture de fonction et sa petite amie. Il a vu mon acte. Il s'est dit, c'est toujours bon à prendre. Bon, je n'étais pas parti pour chasser, mais joint faisant, bon, c'est pas mal. Il m'a foutu, il avait des menottes dans la boîte à gants. Clic, clac, hop, direction rue des Saussées. Alors là, je suis arrivé à la rue des Saussées. Si vous ne savez pas, c'était la chambre de torture de la Gestapo allemande. Il m'a donc livré directement chez les Allemands. Et ils ont discuté entre eux. Et je pense qu'il n'a pas perdu au change. Il y a eu un télégramme qui est envoyé le soir même. J'ai su par Lazareff, un télégramme codé à la radio anglaise, parce que c'était un peu rare. Pierre Lazareff. Ouais, il m'a dit qu'il avait reçu. Et voilà. Et puis, si je m'en suis sortie, eh ben, écoutez, c'est tout simple. C'est parce qu'on était le 23 juillet. Moi, dès ce moment-là, j'ai fermé mon rideau de fer. Je me suis fermée, me suis mise en situation d'hibernation et j'ai attendu que ça se passe. Parce que j'avais lu une brochure qui avait d'ailleurs été rédigée, m'a-t-on dit, par le colonel Fabien lui-même, qui était un ancien métallurgiste ayant fait la guerre d'Espagne et qui était un homme tout à fait pragmatique. Il était dit dans cette brochure des choses simples pour les gens simples que nous étions. Et on nous disait, si vous êtes arrêté en cours d'opération, déclinez votre identité au bout de quelque temps si vous pensez que vous pouvez le faire. Et éventuellement, au bout de 3 jours, vous pouvez donner votre planque. Parce que, évidemment, entre-temps, on aura tout déménagé. Et si on ne l'a pas fait, c'est notre faute, ce n'est pas la vôtre. Bon. Mais nous vous conseillons, pour vous et pour tout au monde, de ne pas même vous en tenir là. Dès le début, vous dites « je ne sais rien, je ne dirai rien, je ne connais personne ». Vous niez l'évidence et vous en restez là, jusqu'à ce qu'on vous coupe la tête. Si vous allez raconter au type de la police, ça demande, vous savez, oui, bon, enfin, oui, c'est vrai, j'ai fait un rendez-vous des feuillantines au 15, le rendez-vous de repos. Bon, d'abord, il se dit, tiens, ça marche, la torture. Ça l'a fait parler. Donc, on va continuer. En plus, il va rue des feuillantines, comme avenue de Rivoli, ou je ne sais pas quoi. Et déjà, c'est arrivé qu'en donnant un faux rendez-vous, on fasse cravater des Français qui y étaient pour rien. Bon. Alors, de toute façon, c'est pas à faire. Bon. Et puis, donc, ne jouez pas au plus fin. Niez tout. Et alors, moi, ça a été formidable, parce que quand, après différents passages rue des Saussées, qui ont été assez peu agréables, qui ont été suivis par le fait que les Allemands, ne pouvant pas, avec l'avalanche d'affaires qu'ils avaient sur les bras, vous pensez, en juillet 44, ils voulaient quand même bien savoir quelque chose, parce que ils n'avaient pas arrêté d'étudiants depuis longtemps, alors ils disaient quand même, je voulais savoir. Et puis ils se doutaient bien qu'il y avait... Bon, moi j'ai dit, oh, vous savez, je ne connais personne, j'ai ramassé le revolver de mon fiancé que vous avez tué l'autre jour, et puis maintenant que je vous ai dit ça, je ne vous dirai plus rien, parce que... Il se trouve que je ne sais rien, on pouvait bien me couper en morceaux, je dis rien. Après, ils m'ont livré à la police française, vichiste, spécialiste de la lutte contre le terrorisme. C'était encore autre chose, ça. C'était la BS, la brigade spéciale numéro 2, qui a eu l'honneur et l'avantage de m'héberger pendant 8 jours, à côté de Notre-Dame de Paris, là, et à côté de l'Hôtel Dieu. Et puis là, alors moi, on ne peut pas dire qu'il me fait beaucoup de mal. Ils m'ont, parce que, étant donné que la guerre touchait à sa fin et qu'ils en avaient fait tellement, alors ils ont essayé de me la faire à la chansonnette. Ils m'ont dit, nous, tu vois, on souffre beaucoup, tout ça, d'être là. Alors, si tu nous dis simplement qui c'est ton chef, tout ça, alors on te fera évader. Je dis, écoutez-moi, monsieur... Je ne vais pas vous donner le nom de mon chef. D'abord, je n'ai pas de chef. Et puis je ne sais pas où il est. Même j'en aurais un, je ne saurais plus où il est maintenant. Parce qu'après 8 jours, plus personne ne... Moi-même, c'est vrai, j'aurais voulu le dire, je ne savais pas où il était. Alors, bon. Alors, j'ai dit, de toute façon, si vous voulez me faire évader, ben, faites-moi évader. Je ne demande pas mieux, moi. Alors, finalement, après différentes va-et-vient, enfin, j'ai entendu qu'ils faisaient hurler des pauvres gens. Ils ont fait... a couché une dame en face de moi, à coups de pied, dans le ventre. Je la vois toujours. Elle était rousse, elle était jeune et pleine de pauvreté naïve, d'innocence, elle vraiment. Et il voulait lui faire dire où était son compagnon, lequel... m'a-t-elle dit, parce que nous étions dans la même salle, était juif et était entré dans la clandestinité. Et ces Français de la milice de BS2, enfin de, lui tapaient dans le ventre en lui disant « C'est un petit juif que tu as dans le ventre, c'est un petit juif, dis-nous le nom de son père. » Et quand ils l'ont ramené dans la cellule... Elle a accouché devant moi. Ça a été mon premier et mon dernier acte médical de prendre dans mes mains ce petit enfant des prisons. Il est né, il était mort. Et la femme était en hémorragie. Alors je me suis demandé à l'agent de police qui était là. J'ai frappé. J'ai dit, amenez-moi au chef parce qu'elle va mourir. Elle me dit, mais je ne peux pas t'amener au chef. Eux, ils étaient chouettes. Ils nous essayaient de nous donner des casse-croûtes, tout ça. C'était chouette. Et il me dit, mais je ne peux pas t'amener au chef. Il va te foutre une danse encore. Et puis peut-être moi, il va m'engueuler. Bon. Je lui dis, non, mais tu vois bien, elle est en train de mourir, cette femme. Alors, bon, tapé. Finalement, l'autre, il était en train de cuver son vin. Et puis, il y a son air de bœuf là à côté. Alors je lui dis, dites donc, je vais vous dire une bonne chose. C'est que le débarquement allié a lieu, hein. J'ai pas eu lieu. J'ai l'impression que vos jours sont peut-être comptés. En ce moment, vous venez de condamner à mort, en somme, une pauvre femme dont vous avez provoqué l'avortement et l'accouchement. Et elle est en train de mourir, faute de soins. Il faut l'amener à la salle Cusco, immédiatement. Moi, je sais, je suis sage-femme. Je vois bien qu'elle est en hémorragie. Et ça, ça va vous être compté. Moi, je ne serai plus là. Parce que moi, je serai fusillée. Mais ça, ça va vous être compté. Parce qu'elle, elle n'a rien fait. Elle n'a même rien fait de visible. Que d'être peut-être juive, ou en tout cas, d'avoir couché avec un juif. Alors, il m'a foutu un coup de nerf de beurre, histoire de pas avoir l'air tout de même de céder tout de suite. Et puis, mais après, ils sont venus chercher, ils l'ont emmené à l'hôpital à côté. Et après, ils sont venus me chercher, moi, puis ils m'ont dit, dis donc, toi, viens, tu veux pas ici. Il y en a marre de toi, ici. Hein. Alors, pour toi, hein. Ils m'ont tapé sur la poitrine, ils m'ont dit, avec le poing, ça, ils m'ont dit, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 balles dans la peau. Parce que tu nous fais avoir un mauvais rapport de la part des autorités nazies, parce que tu n'as pas voulu nous parler, à nous qui sommes français, et nous n'en avons plus rien à foutre de toi, on te rend à la Gestapo. Et eux, alors eux, ils vont te faire parler, tiens. Raconter ce qui s'est passé dans la maison des morts. Ce que j'appelle la maison des morts, c'est plutôt l'antichambre de la mort qui était les salles de torture. Parce que ça, c'est un autre monde et qui n'est pas de celui-ci. C'est quelque chose de très difficile à raconter et à revivre. Et je pense que quand on est sorti de là, comme je suis, moi, avec mes deux seins et avec mes yeux, je n'ai pas le droit de dire que j'ai été torturée. Les derniers jours, on est venu me dire, les deux, trois derniers jours, « Bon, mademoiselle, vous ne serez pas fusillée, vous allez être otage de transport dans le prochain train qui part vers l'Allemagne. » Otage de transport, ça veut dire... qu'on se fait zigouiller, si une maquille attaque ou tout ça, enfin bon, bref. Moi, ça me plaisait qu'à moitié, parce que j'avais mis dans ma tête de gamine que je voulais être fusillée et que je voulais être fusillée en France, enfin, que je voulais mourir en France. Je me suis mise à pleurer. Bon, et puis alors, c'était le beau mois d'août, on s'approchait du 15 août, et on entendait le soir le bruit des canons. Des alliés, le bruit des combats. Et nous pensions toutes, nous allons peut-être mourir sur le coup parce qu'ils vont nous bousiller avant de partir, mais peut-être aussi être délivrés. Puis on s'est aperçu que les alliés ne s'approchaient pas, mais tournaient autour de Paris. Et alors la plupart des détenus, femmes de ce moment-là, à Fresnes, chantait, se donnait les nouvelles, voilà. Et puis, comme on s'approchait du 15 août, qui est la fête de la Vierge Marie, beaucoup de ces femmes priaient. Et alors, elles priaient tous les soirs, à l'heure où on donnait la soupe, et j'entendais comme un cœur d'ange autour Je dis ça parce que j'ai écrit un poème là-dessus. Justement, c'est un cœur d'ange au fronton de la grande prison. Enfin, elle priait, je vous salue Marie, etc. Et toutes ces femmes ont été emmenées le 15 août, et moi avec. Bon, et puis on devait être otage de transport, mais on a réussi à s'évader avec la complicité des autres femmes. Et contre ma volonté, parce que moi, je voulais rester avec elle. Je ne voulais pas partir. Et puis, les Allemands ont refermé les portes et le train est parti. C'était le dernier train, celui de Ravensbrück, dont peu de femmes sont revenues, dans lequel il y avait, je crois, Geneviève de Gaulle et beaucoup d'autres femmes. Et Anne-Marie et moi, on a été reconnus immédiatement dans la gare par la Gestapo. Et vous, là, c'était foutu avec des malades et de la Croix-Rouge qui devaient être... vous fusillez tout de suite enfin, c'est... Alors, j'ai dit à Anne-Marie, tu vois, c'était bien la peine, puisque moi, j'avais prévu ça. Bon, mais maintenant, de toute façon... Alors, on rebelote, on se remet encore, en cachot à Fresnes. Et puis, quand on a été le 17, 18 août, enfin, devant l'avance alliée, devant les événements, les prisons se sont ouvertes. Enfin, ceux qui restaient dans la prison étaient des peu inculpés, qui avaient échappé au dernier train du 15 août, ou des gens qui étaient de grands résistants, mais dont on ne connaissait pas l'histoire. Et ces gens sont sortis et ont été libérés par insurrection. Et puis nous, on est sortis à 9h30 du soir seulement, puisque nous étions des cas particuliers. Et la nuit tombait sur la cour de la prison. Et Anne-Marie me disait, viens, mets-toi derrière... le consul de Suède, parce qu'il y avait le consul de Suède Nordling dans l'affaire. Mettons-nous derrière, parce qu'elle comprenait très bien l'allemand, ils disent « Passez de là !» Ils ont tué des Allemands, nous allons les tuer avant qu'elles soient sorties de la cour. Alors, je me suis jamais collée contre quelqu'un comme derrière le consul de Sven Nordling. Et puis, on est sortis comme ça. Et alors, on est sortis dans un car de la Croix-Rouge qui nous a amenés dans un centre de la Croix-Rouge à côté de la gare de l'Est où on a passé notre première nuit de liberté. Et on est sortis, pas très glorieusement, parce qu'on est sortis à plat ventre. On s'est couché à plat ventre dans le camion de la Croix-Rouge. Et ces bonnes dames disaient, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites? Mais voyons, mais... pourquoi ne riez-vous pas, chantez-vous pas comme les autres, jouez vos chewing-gums, jouez vos chocolats, enfin bon, ouais, d'accord. Nous, on voulait rester couchés par terre parce qu'on avait de bonnes raisons d'y rester. Et puis, c'est là qu'on a entendu les premiers coups de feu de l'insurrection de Paris. Ici, radiodiffusion de la nation française. Il semble bien que l'attaque soit en train de se déclencher. Ah oui, oui, oui, ça tire là-bas, juste à l'entrée de la ville. On voit des petites silhouettes grises, qui viennent, en longeant les murs. Mais oui, oui, mais ce sont des boches. La barricade vient d'ouvrir le feu. Attention, ça tire. Il y a encore des armes. Ce sont les cloches de la libération qui sonnent. Les Alliés ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h25. Madeleine Riffaut, La Mémoire Sauve, Frédéric Joly, François Rivalan, Maurice Biard, Marie-Christine Closet, Ludovic Cellier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 août 1993. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». prochaine émission, Être survivante.